rentre avec des mots typiquement familiers, nique sa mère. Pour la BAC Nord et tous ses condés, nique sa mère. Alonso, style amer, phrase fou la merde, fou, veille sur la mer, vert sur les nerfs. Un bloc parti, gang, gros tanti, claque ton billet de 5, choisis ton paquet réparti. Plan dans City pour mes colocataires, mes collègues à terre et tous partis. Ascenseur bloqué, rilant, parfumé à la noix de coco, filant, allumé le son de l'attaque, on dit langue, allumé, venu de Bogota, augmenté le quota, tout l'eau de rago. Sur ses filles en pyjama avec nos robots, pour voir si ça crache plus que la marque. Sur le mur, le logo, faut que le truc est trop gros, plus gros que le bloc que je vois, panorama. Bloque les issues, car ça vient de là où y'a pas de tabou. Là où, pas besoin de pub comme au bas haut, où les petits Rough Riders font les cortèges en moto. Là où les vieux te font bouger, comme sur Promega ou au cas où, n'est pas gars. Y'a foot ou basket, couscous maillé. Figus gof les enceintes, que les voisins portent plainte. Et guent, mettre les saintes qui peintent en portant plainte. Bloc party, vieux en colère, vieux de valeur. Mes gadis, mes gadions, mes receleurs. Bloc party, là où on vit, là où on meurt, là où on rit, là où on pleure, non. Bloc party, vieux en colère, lieu de valeur. Mes gadis, mes gadions, mes receleurs. Bloc party, là où on rit, là où on pleure. Hé hey, Zaza, passe-moi un morceau que je fume certain. Car le réseau n'est pas net avant que les condés enterrent un. Ogu, sors le matos pour la fiesta. Comme R. Kelly, fiesta, fiesta. Pas de carte, qu'ils font le 18 comme Wyclef. Car les blocs c'est mon lot et les parties c'est ma life. Flandau, C-I-T-Y, un son bloc pour les blocs. P-A-R-T-Y. Quand l'orchestre de mon cœur s'arrêtera de jouer, mon souhait est de rester gravé dans vos têtes comme mec voué. Au changement, au chargement, rime illicite calmement. Fils de lieutenant, procureur également. Sans la drink et la geste, les strings et le reste. Bloc party, on prouve si tu testes, teste. Je m'adresse à tous mes killers, aux mecs à Billa, de toutes tes villas en détresse. Ok, le train d'école est manqué, donc ça fume plus qu'une loco. D'autres prennent les rails de la coco, blanqué. Tout la mer à mon à deux gros paquets. Raboule tout, t'as perdu au petit paquet. Braqué, tu regardes cette bonzo, ça te soco. Fragué, puis largué, à cause de notre séto, c'est con. Se sont fait choper par la baquet. C'est con, nous, Abdou, a une baquet. Bloc party, lieu de colère. Lieu de valeur, mes gadis, mes gadions, mes receleurs. Bloc party, là où on vit, là où on meurt, là où on rit, là où on pleure, non. Bloc party, lieu de colère, lieu de valeur, mes gadis, mes gadions, mes receleurs. Bloc party, là où on rit, là où on pleure. Valeur, mes gadis, mes gadions, mes receleurs. Bloc party, là où on vit, là où on meurt, là où on rit, là où on pleure, non. Bloc party, lieu de colère, lieu de valeur. Mes gadis, mes gadions, mes receleurs. Bloc party, là où on vit, là.